Donner fi sabilillah, comme on a vu dans ces sourates, c'est un acte extrêmement méritoire. Et c'est une preuve de ta foi. وَالصَّدَقَةُ burhan, comme le Nabi alayhi salam a dit. L'aumône est une preuve sur la sincérité de ta foi. Car donner de ce que t'aimes, dans la nature sur laquelle tu as été créé, t'aimes dunya et t'aimes l'argent. Et si quelqu'un te dit l'inverse, ou bien il ne se connaît pas, ou bien il ment. L'être humain aime dunya. C'est pour ça Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il ne disait pas, oh Allah, fais-moi détester dunya. Il disait, oh Allah, tu m'as fait aimer dunya. Aide-moi à l'utiliser dans ton obéissance. Tu ne peux pas demander à Allah de te faire détester dunya. Lakin, de t'aider à ne pas t'attacher à cette dunya et à ne pas faire d'elle un objectif et un but et une fin, un moyen pour te permettre d'arriver auprès d'Allah et multiplier les adorations. Comme il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, à chaque fois que tu sens un attachement à la dunya, rappelle-toi ces paroles de ces savants qui avaient un délaissement de cette dunya. Il dit, dunya, ajallakum Allah, c'est comme les toilettes. Tu y vas pour ton besoin. Et tu es pressé de t'en sortir. Et tu es pressé de quitter cet endroit après avoir fait ton besoin. Donc, dunya, c'est comme ça. Tu utilises cette dunya et tu prends d'elle ce qu'il te faut pour subvenir à tes besoins et à ceux que tu as sous ta charge, mais ne fais pas d'elle un objectif en multipliant les projets, les affaires et à droite et à gauche. Où est-ce que tu vas, Akhil Karim? Après, si quelqu'un il arrive à faire ces choses-là, il n'a pas d'attachement et ça l'aide à faire le bien avec son argent, alhamdulillah. Et de toute manière, la piété, c'est pas uniquement dans la science ou dans la salat ou dans le pèlerinage. Alhamdulillah, les voies du bien sont nombreuses. Et on ne peut pas exiger que tout le monde soit dans une seule voie. Allah n'a pas voulu comme ça. Chacun, s'il voit qu'il lui facilite une voie du bien, il demande à Allah l'aide et il utilise les bienfaits d'Allah sur lui dans ce que Allah aime et agrée. Et celui à qui Allah a donné des biens abondants et qui les dépense dans les différentes voies du bien, ça c'est parmi un de deux hommes qu'on peut envier. Envier dans le bon sens, c'est pas aimer qu'Allah lève de lui ses bienfaits, mais on peut souhaiter être comme lui et avoir des biens comme lui, les dépenser dans les voies du bien.